بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابة من تبع ثارهم واكتفى ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أخذنا في الدرس السابق ونبقي dans le cours précédent la préface de ce livret de l'imam al-Muhaddith Muhammad Nasser al-Albani alayhi rahmatullah. Et on a pu profiter et prendre comme fawaïd paroles utiles et profitables la dernière partie dans laquelle on a évoqué que tout nom qui est annexé à Din, c'est fort, il est détestable d'avoir ce genre de nom-là et surnom, car ça fait partie des bid'ah, comme l'a évoqué Bakr Abu Zayd rahimahullahu ta'ala. Kazalika, ce sont des noms qui n'avaient pas d'existence. Et ces noms-là, ils comportent une flatterie. Nuruddin, c'est-à-dire la lumière de la religion. Fakhruddin, la fierté de la religion. Saifuddin, l'épée de la religion. Enfin, ce sont des noms dans lesquels ils comportent une flatterie. Allah Azza wa Jal nous a interdit cela. Fala tuzakku anfusakum. C'est pour ça que le jugement des ulama s'est arrêté sur le fait que ceux qui ont des appellations telles quelles, ceci est détestable, et ça peut même devenir interdit dans le cas où ce nom-là il va comporter une interdiction ou bien un sens qui est faux, comme c'est le cas avec le nom de Shihabuddin. Et j'ai omis d'évoquer cela dans le cours précédent. L'imam Bakr Abu Zayd rahimahullah ta'ala, toujours dans son même livre Al-Manahi Al-Afdhiyya, il a évoqué que ceci peut comporter une interdiction à partir du moment que le nom il va avoir une connotation qui est fausse, comme le nom Shihabuddin qui a pour naissance un météore ou bien un bolide ou bien une flamme, yani tout ce qui comporte le feu. Et ensuite on annexe cela au din, c'est-à-dire que Shihabuddin, c'est-à-dire qu'il va brûler la religion, il va la réduire à néant. Certains se sont appelés comme cela, lakin Shihabuddin, c'est-à-dire celui qui va brûler la religion. Enfin, ce genre d'appellation-là, il faut les éviter. Allah Azza wa Jalla l'a dit, فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ نَعَمْ تَمْ فَنَدْخُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهِ فِي الدَّرْسِ الثَّانِي وَنْبُرْسُوا إِنْ شَاءَ اللَّهِ تَبَرَكُ وَتَعَالَى قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ قِيَامُ رَمَضَانَ وَقِيَامُ رَمَضَانَ, c'est-à-dire les prières nocturnes qui sont accomplies pendant le mois de Ramadan. Qiyam, ça vient du verbe qama, qui est le fait de se lever, se tenir debout. Comme c'est le cas dans la prière, généralement la personne prie et il reste debout. فَقَالَ قِيَامُ رَمَضَانَ, c'est-à-dire les prières nocturnes qui sont accomplies pendant le mois de Ramadan. وَقِيَامُ رَمَضَانَ, ça rentre dans قِيَام الليل. Parce que قِيَام الليل, c'est le fait d'accomplir ces prières-là pendant le mois de Ramadan ou en dehors du mois de Ramadan. قِيَام الليل, c'est annexé à la nuit, et قِيَام رَمَضَانَ, c'est annexé à ce mois-là. Donc tout قِيَام رَمَضَانَ, c'est un قِيَام الليل. Et tout qiyam layl n'est pas un qiyam ramadan, parce que je peux faire un qiyam layl pendant le mois de Shahban, pendant le mois de Shawwal, pendant les autres mois. Ça on appelle qiyam layl. Amma, le qiyam, c'est-à-dire les prières nocturnes qui sont faites pendant Ramadan, on appelle ça qiyam ramadan. Donc qiyam layl et qiyam ramadan, fil haqiqa, c'est deux appellations qui sont synonymes, qui sont pareilles. Lakin une est plus large. Qiyam layl, c'est-à-dire dans toutes les nuits de l'année. Hahona, il a dit qiyam ramadan. Il faut savoir que Qiyam Ramadan, il est de trois genres. Un Qiyam qui est appelé Tarawih, qui est connu de tous, Inch'Allah. Un qui est appelé At-Tahajjud. Et un qui est appelé Salatul Layl. Salatul Layl, la prière de nuit. C'est comme Qiyam al-Layl, c'est la même chose. Fat-Tarawih, qu'est-ce que le Tarawih? C'est la prière en commun pendant les nuits de Ramadan, dans laquelle il est observé des temps de repos. C'est la prière en commun pendant les nuits de Ramadan dans laquelle il est observé des temps de repos. Ada, ça s'appelle Tarawih. Ça vient de, c'est le pluriel de At-Tarwiha en arabe, qui a pour le sens de repos. Comme l'a évoqué Al-Hafid ibn Hajar rahimahullah ta'ala dans Fath al-Bari, 4e volume, la page 250, qu'ils avaient pour habitude de se reposer après deux rak'a. Ils priaient deux rak'a, deux longues rak'a, et ensuite ils se reposaient. C'est pour ça que ça a été appelé Tarawih, car il marquait des pauses après chaque deux unités ou bien après chaque quatre unités. Enfin, ça a été appelé Tarawih. Enfin, Tarawih, c'est la prière nocturne qui est faite pendant Ramadan. Donc il y a trois critères pour dire que c'est un tarawih. Il faut qu'il y ait un groupe. Et Qiyam al-Layl, qui est fait en groupe, c'est que pendant le mois de Ramadan. En dehors du mois de Ramadan, il est interdit de se réunir et de prier en groupe. Ceci fait partie des innovations. Ah, si jamais Mathalan en était en groupe dans une maison et on est resté ensemble pendant la nuit et ensuite l'un de nous a eu l'idée de prier la nuit, ça ne fait pas partie de l'innovation. Ce qui est compté comme innovation, c'est le fait de se donner rendez-vous pour prier en groupe. Ah, si jamais yani, par coïncidence on se trouvait dans une maison et comme j'ai évoqué Mathalan, on est resté ensemble pendant la nuit et ensuite on s'est dit on va prier. Et on a pris en groupe, ça c'est pas une interdiction. Ça rentre pas dans l'innovation. Ce qui est innové, c'est le fait de se réunir et de se donner rendez-vous pour cela. De se mettre d'accord au préalable, de se réunir et de prier en groupe. At-tarawih, c'est la prière en commun. Pendant la nuit de Ramadan. Dans laquelle il est observé le repos. Donc trois critères. Que ce soit fait pendant les nuits de Ramadan, que ce soit fait en groupe, en commun, et dans lequel il est observé un repos. Dans lequel il est observé un repos. Amma tahajjud, c'est la prière qui est faite pendant Ramadan ou en dehors de moi de Ramadan. Donc c'est plus large. Tu peux appeler la prière qui est faite la nuit, tahajjud, en dehors du mois de Ramadan. Donc c'est la prière qui est faite pendant le mois de Ramadan ou en dehors du mois de Ramadan après avoir au préalable dormi. Donc elle est précédée par un sommeil. Hadha huwa tahajjud. Si jamais après l'Isha, je fais sonnat al-Isha. Ratibat al-Isha. Les deux rak'a compris après l'Isha. Ensuite, je vais dormir. Et dans la moitié de la nuit, je me lève. Ensuite, je prie. Cette prière-là qui va être faite pendant la nuit, on va appeler cela tahajjud. Pourquoi? Parce qu'elle est faite après le sommeil. Toute prière qui est faite après le sommeil, après avoir dormi, s'appelle at-tahajjud. Et le troisième qui est salat al-Layl ou bien qiyam al-Layl. C'est une appellation qui est donnée à toute prière accomplie durant le mois de Ramadan ou en dehors du mois de Ramadan, en groupe ou bien individuellement, avec un temps de repos ou non, qui est faite avant ou après le sommeil. Donc pour récapituler, Inch'Allah, tabarak wa ta'ala, la prière qui est accomplie après le Isha, directement, sans avoir dormi, qui est faite en groupe, en commun, dans lequel on observe un temps de repos, on va appeler ça Tarawih. Si jamais on a prié en groupe, mais après qu'on ait dormi, ça on va appeler ça tahajjud. Même si jamais on marque des temps de repos, on appellera ça tahajjud, parce que toute prière qui est accomplie après le sommeil, on appelle ça at-tahajjud. Amma salat al-layl pendant Ramadan, c'est la prière qui sera accomplie toute seule, avant de dormir. Donc avant de dormir, ça exclut at-tahajjud, et tout seul, ça exclut at-tarawih, parce que tarawih, il faut qu'il y ait un groupe. Il faut qu'il y ait un groupe. De même, si jamais un groupe de personnes se réunissent et ils prient après l'Isha, donc sans avoir au préalable dormi, ils sont en groupe pendant le mois de Ramadan, ils prient directement après l'Isha, mais ils n'observent pas de temps de repos. Comme on va le voir, Inch'Allah, parmi les descriptifs de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant la nuit, c'est qu'il priait des fois 9 rak'a, 9 unités d'un seul coup, sans marquer de temps de repos. Donc si jamais on se réunit après l'Isha, personne n'a dormi, on prie en groupe pendant le mois de Ramadan, mais dans la salat on n'observe pas un temps de repos, on prie directement d'un trait. Est-ce qu'on appelle cela tarawih? Non. Pourquoi? Parce que le repos n'a pas été observé dans ces prières-là. On va appeler ça qiyam al-layl. Vous avez compris? Qiyam al-layl, on va lui donner cette appellation-là pour la prière qui sera effectuée individuellement avant de dormir. Même si jamais on marque un temps de repos, on va appeler ça Qiyam al-Layl. Et on va l'appeler aussi Qiyam al-Layl pour la prière qui sera priée, accomplie en commun avant l'Isha, mais dans laquelle on ne va pas marquer de temps de repos. Fatahajjud, c'est celui qui est prié après avoir dormi, après le sommeil, que ce soit en jama'a, en commun ou bien individuellement. Que j'ai marqué un temps de repos ou pas, à partir du moment que j'ai prié après le sommeil, on appelle ça tahajjud. Tarawih, il faut trois critères. Il faut que cette prière-là soit faite pendant le mois de Ramadan, soit faite en commun, et on marque des temps de repos. Si jamais c'est pas le cas et c'est pas prié après le sommeil, et ni on marque un temps de repos, dans ce cas-là, on va appeler cela qiyam al-layl, que ce soit fait individuellement ou bien en commun. Enfin, qiyam al-ramadan, ça englobe ces trois catégories de prières nocturnes: at-tahajjud, at-tarawih, ou salat al-layl, ou bien tu peux dire qiyam al-layl. قال رحمه الله تعالى قال فضل قيام ليالي رمضان les mérites des prières observées pendant les nuits de Ramadan. Al-fadl, c'est le mérite. Et il est important, avant d'accomplir une œuvre, de connaître son mérite. Premièrement, car cela rajoute de la mahabba, de l'amour pour Allah et Azza wa Jal. Car tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à travers cet acte-là, veut te rajouter en bien. Te veut du bien. Yuridullahu bikum al-yusra. Allah Azza wa Jal veut pour toi la facilité, veut que tu acquéris son agrément. Enfin, ça rajoute de la mahabba. Tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup plus. Ça rajoute qu'à zalika de la gratitude. Ash-shukr lillahi azza wa jal. Parce que c'est une ni'ma. Le fait de savoir qu'à travers cet acte-là, il y a une grande récompense. Fait, ça se rajoute du shukr. Et ça, c'est une chose qui incombe aux gens du tawhid. Notre père Ibrahim alayhi salam, l'imam de Mouahid, c'était quelqu'un de très reconnaissant. Shakiran li an'ami kama qala subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa jalla a ordonné son prophète alayhi salatu wassalam, qui est notre exemple, il lui a ordonné de suivre la voie d'Ibrahim, qui est la voie de la reconnaissance, la voie de la gratitude. Thumma ohayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim. Puis nous t'avons révélé de suivre la voie d'Ibrahim. Et parmi les voies sur lesquelles était Ibrahim, les voies de la guidée, la reconnaissance, la gratitude. Le fait d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala des bienfaits qu'il nous a donnés, ça passe par le fait de reconnaître, de connaître ces mérites qu'il y a dans ces œuvres-là, afin qu'on remercie Allah azza wa jalla et on redouble de reconnaissance. Et si on lui est reconnaissant, Jalla wa ala, il va nous rajouter al-thabat, il va nous rajouter du raffermissement dans nos œuvres. Qala subhanahu wa ta'ala wa itta adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum. Et votre Seigneur vous a informé que si vous êtes reconnaissant, il va vous rajouter. Rajouter en ni'ma, rajouter en mahabba, rajouter en thabat, en raffermissement. Donc à travers le fait de connaître ces mérites-là, Allah Azza wa Jal nous raffermit dans nos religions. On fait preuve de thabat, on s'accroche, on se cramponne mieux à ces œuvres-là. Connaître les fada'il, ça nous permet kadhalika de ne pas céder ni aux tentations de la vie d'ici-bas et ni aux wasawis diaboliques des shaitan. Car tu sais le mérite dans lequel est la faveur dans laquelle tu es. Et tu compares cela à la vie d'ici-bas qui est auprès d'Allah et Azza wa Jal, ne pèse pas plus lourd que l'aile d'un moustique. Lo kanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udan ma saqa kafirun minha shurbatan ma. Si la vie d'ici-bas aurait pour auprès d'Allah Azza wa Jal l'équivalent d'une aile d'un moustique, il n'aurait pas donné à boire aux kuffars, aux mécréants dans la vie d'ici-bas. C'est-à-dire que pour Allah subhanahu wa ta'ala, la vie d'ici-bas, elle est quoi? Elle est méprisable. C'est pour ça qu'il la donne aux kafirs. Si jamais cette vie d'ici-bas elle aurait de la valeur, Allah azza wa jal ne l'aurait pas donné aux kuffars, ceux qui insultent Allah, ceux qui adorent autre qu'Allah, ceux qui méprisent Allah, qui méprisent la religion d'Allah, qui combattent la religion d'Allah. Si jamais cette dunya-là, à travers laquelle ils s'épanouissent, à travers laquelle Allah subhanahu wa ta'ala leur permet de s'épanouir et de s'amuser, si jamais elle aurait de la valeur, Allah azza wa jal ne l'aurait pas donné. Mais comme cette dunya-là ne pèse pas auprès d'Allah azza wa jal, l'aile d'un moustique, il leur donne. Elle est méprisable, la vie d'ici-bas. Qala subhanahu wa ta'ala inna allazina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ah ليفتدوا بهم من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. Même si jamais les mécréants possédaient comme richesse toute la vie d'ici-bas, tout ce qu'il y a à l'intérieur et à l'extérieur de ces terres, toutes les richesses, ومثلهم معها, et c'est-à-dire en double, ils possèdent les richesses, toutes les richesses de la terre, de dunya, depuis le premier jour jusqu'au dernier jour. S'ils possédaient cela en double, et il aurait donné pour s'affranchir du feu de l'enfer, du châtiment, Yawm al-Qiyamah, Allah Azza wa Jal ne l'aurait pas accepté. Pour nous montrer que la vie d'ici-bas, elle est méprisable. Donc, lorsqu'on connaît ces fada'il, ces mérites qu'il y a dans ces œuvres-là, et on les compare d'un point de vue religieux à ces délices de la vie d'ici-bas, ça n'a aucun poids. Parce que celui qui viendra avec le iman billah, la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, la foi au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui fera partie des gens de la prière, même si jamais il a fait d'énormes erreurs, il a de quoi retrouver l'agrément d'Allah yawm al-qiyamah, qui est tawhid et la salah. Donc ce sont des choses qui sont riches, beaucoup plus riches que la vie d'ici-bas. Deux rak'ah que tu fais, sunnat al-fajr, ratibat al-fajr, les deux rak'ah qu'on fait avant la prière de fajr, bien meilleur que la vie d'ici-bas et de l'au-delà. Donc que dire de la prière de fajr? Que dire de toutes les prières al-khams? Que dire du hajj? Que dire du siyam? Que dire de toutes ces prières, de toutes ces œuvres-là? Bien meilleur auprès d'Allah Azza wa Jalla que la vie d'ici-bas. Donc celui qui connaît ces mérites-là, il va s'accrocher. Et Inch'Allah tabarak wa ta'ala, ça va le permettre de ne pas céder aux tentations de la vie d'ici-bas, parce qu'il sait qu'elles sont éphémères et qu'elles ne valent rien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et surtout qu'elles sont dangereuses. Elles peuvent être une source qui vont lui faire oublier Allah subhanahu wa ta'ala et yawm al-qiyamah. C'est pour ça qu'il a dit Nabi sallam, la tattakhidhu ad-dhayaat fatarghabu fi ad-dunya. Abstenez-vous de vous élargir dans les activités mondaines, car ceci va vous rajouter un désir pour la vie d'ici-bas, c'est-à-dire qu'il va nous faire oublier l'au-delà. Enfin, celui qui connaît ces mérites-là, il s'accroche à son din. Inch'Allah, il ne cède pas aux tentations de la vie d'ici-bas. كَذَلِكَ وَسَاوِزَ الشَّيْطَانِ الشَّيْطَانِ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانِ إِلَّا غُرُورًا. Il dupe les gens avec les promesses qu'il fait, les wasawis. Enfin, il connaît la faveur d'Allah, il connaît le bien dans lequel il est. Donc cette personne-là s'accrochera. Il ne va pas céder au service de Shaitan. Kazalika, le fait de connaître les fada'il, ça rajoute de la joie, de la gaieté dans le cœur. Connaître ces faveurs-là te rend joyeux. Allah Azzawajal a légiféré qu'on soit joyeux lorsque un bienfait nous touche. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu. Dis-leur au Muhammad qu'ils se réjouissent de la faveur d'Allah et de ses bienfaits. De la gaieté dans le cœur. Tu passes une bonne journée. Ala inna fil jasadi mudghatan idha salaha salaha al-jasad kulluhu. Kadhalika, si jamais cette partie du corps qui est le cœur, lorsqu'elle est heureuse, ta journée sera une journée dans laquelle tu seras heureux, inshallah. Et kadhalika, ça nous permet de connaître notre vrai statut, comme on a pu le citer à travers la ayah. Même si jamais tu es pauvre, sache que tu as la foi dans ton cœur, et ça c'est la richesse. Ceux qui ont la richesse dans les mains, l'argent, les biens, la fortune, la kin qu'ils ont dans le cœur, la pauvreté qui est la mécréance. Fait ces personnes-là, yawm al-qiyamah, vont devenir les plus pauvres, vont devenir les plus besogneux, alors qu'ils ont vécu dans l'opulence. On va ramener le plus riche, celui qui vivait dans l'opulence, dans la vie d'ici-bas, parmi les gens de l'enfer. Et on va le tremper dans l'enfer. On lui dira, est-ce que tu as vu un bien auparavant? Il va dire non. Est-ce que tu as vu un profit auparavant? Il va dire non, il va tout oublier. On va ramener la personne qui faisait partie des plus pauvres de la vie de Shiva, la kin qui avait dans le cœur la foi en Allah Azza wa Jal, qui était mu'min, et qui est mort sur cela. On va le tremper dans le Jannah, on va lui dire, ce que tu as vu, un bien, un mal auparavant, une difficulté auparavant, une épreuve auparavant, il va tout oublier. Donc ça nous permet de connaître notre vrai statut. Même si tu es pauvre, tu es riche. Tu es pauvre auprès des gens. Tu es pauvre d'un point de vue social, auprès des gens, lakin auprès d'Allah Azza wa Jal, tu es riche, car tu as la foi dans ton cœur. Donc tu connais ton vrai statut. Ça te permet de te cramponner et d'être fier. Allah Azza wa Jal nous ordonne d'être fier de notre religion, d'être fier par le biais de nos religions. قال سبحانه وتعالى قل لله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فالمؤمن, celui qui croit en Allah Azza wa Jal, il est fier d'adorer Allah, fier d'être sur la fermeté, sur le bon chemin, car il va retrouver cette rétribution-là énorme, yawm al-qiyamah. Enfin, il connaît son vrai statut. Le fait de connaître ces genres de fada'il, ce mérite, nous permet de connaître nos vrais statuts et de savoir que nous sommes les riches et que les kuffars, ce sont eux les pauvres. Parmi les mérites, قال قد جاء فيه حديثان, il va nous évoquer deux hadiths concernant les mérites des prières nocturnes pendant le mois de Ramadan, comme il a dit pendant le mois de Ramadan, sinon les mérites qui sont évoqués pour les prières de nuit, et on va les évoquer inshallah après les deux hadiths inshallah, ils sont énormes et il y en a beaucoup. قال الاول عن ابي هريره رضي الله عنه قال, le premier qui est rapporté par Abu Huraira, dans lequel il a dit كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان, le prophète عليه الصلاه والسلام lorsque venait le mois de Ramadan avait pour habitude de nous exhorter à accomplir les prières de nuit. من غير ان يأمرهم بعزيمة, sans pour autant nous l'imposer, c'est-à-dire que c'est mustahab. Quel est le jugement des prières nocturnes pendant Ramadan et en dehors du mois de Ramadan, c'est mustahab, c'est fortement recommandé. La preuve en est par ce hadith. قال ثم قال, et il disait, من قام رمضان إيمانا واحتسابا, celui qui veille les nuits de Ramadan par foi, إيمانا, et par ikhlas, en voyant Allah subhanahu wa ta'ala cette œuvre-là en toute exclusivité, sans ostentation, et par approbation du degré kadalika de cette recommandation. Enfin, la niya, l'intention, elle est pour Allah et Azza wa Jal. Je ne recherche qu'à travers cette œuvre-là l'agrément d'Allah et Azza wa Jal et rien d'autre, pas un compliment, pas un bien de la vie d'ici-bas. Je recherche l'agrément d'Allah. Je ne fais pas cela par ostentation. Je ne vends pas ma religion pour des compliments. Wal'iyadhu billah, je fais cela pour Allah. Jalla wa ala, ala lillah, ad-din al-khalis. N'est-ce pas qu'appartient Allah Azza wa Jalla, religion de l'exclusivité, de la sincérité. Kazalika, la deuxième niya, c'est-à-dire celle qui va être relative au degré de ce jugement-là, de l'adoration que tu es en train de faire. Est-ce que tu es en train de faire un acte qui est obligatoire, un acte qui est recommandé, un acte qui est autorisé? Il y a une niya qu'on appelle niya tolinsiya, l'intention de soumission par rapport au degré de la ibad, de la adoration que tu es en train de faire. C'est-à-dire, ça nous demande au préalable de savoir ce qu'on est en train de faire. Est-ce une chose qui est obligatoire? Est-ce une chose qui est mustahab? C'est important de connaître cela afin de placer la bonne niya, la bonne soumission. Je me soumets par recommandation. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin qu'Allah subhanahu wa ta'ala me l'ordonne et me l'impose pour que je le fasse. C'est très grand. Une personne qui fait un acte recommandé, qui est mustahab, montre que cette personne-là a une dévotion et qui n'attend pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui impose des choses avant de le faire. Car certaines personnes, si jamais Allah azza wa jal ne leur avait pas opposé certaines œuvres, comme le fait de prier les cinq prières obligatoires, le fait de s'acquitter de la zakat, le fait de jeûner le mois de Ramadan, il se peut que ces personnes-là n'auraient fait aucun effort dans l'adoration. Du fait que ces adorations ne sont pas imposées. Lakin, du fait qu'elles sont imposées par peur de l'enfer, ils font ces choses-là. Lakin, est-ce qu'ils le font par désir pour Allah et Azza wa Jal? Ces œuvres-là, ces œuvres de recommandation, ces œuvres mustahab, nous montrent que ces personnes-là ont un désir. Et qu'ils n'attendent pas qu'Allah et Azza wa Jal lui impose une chose. Il le fait par amour par Allah. Il le fait par glorification d'Allah. Jalla wa ala. Enfin, ça, c'est énorme. Enfin, Cheikh Al-Uthaymin nous évoque dans le chapitre de Riyad al-Salihin, le premier chapitre relatif aux intentions, que l'intention est divisée en trois. L'intention d'exclusivité, que l'acte soit réservé à Allah Azza wa Jal. Niyatou al-insiyah, c'est-à-dire qu'il fait ces choses-là en soumission. Pourquoi il nous évoque que, tu vois certains enfants qui prient, pas par soumission par Allah, parce qu'il est en train de copier ses parents. Il voit son père et sa mère faire la prière, il fait la même chose, pas par soumission à laquine, par suivi des parents, comme c'est le cas de nos enfants, des petits. Enfin, il y a une différence entre le fait de faire une chose par taqlid, en suivant, aveuglement ou par soumission. Comme elle a évoqué, celui qui fait le wudu, laquine il le fait parce que ses parents le faisaient, non pas par soumission à Allah Azza wa Jal. L'intention de soumission, de savoir que tu es en train de te soumettre à un ordre qu'Allah Azza wa Jal a avisé. Et kadalika niyatut tamyiz, c'est la troisième condition, la troisième intention qui est niyatut tamyiz, le fait de différencier entre les œuvres. Ça, c'est important. Si jamais je me présente à l'heure de la prière de dhuhr avec l'intention, comme ça arrive, c'est déjà arrivé à certains de nous, il a dormi, le sommeil était tellement profond qu'il s'est levé dans les vapes. Il ne sait plus quel jour on est, quelle heure on est. Enfin, il va pour prier avec l'intention de prier l'Asr. Or, nous sommes dans la prière de Dhuhr. Enfin, il fait le takbir avec l'intention de prier l'asr. Alors que là, c'est, le prière, c'est la prière de dhahr. Enfin, là, la prière, elle n'est pas acceptée. Pourquoi? Parce que là, il a intentionné de faire une prière qui n'est pas encore arrivée, ce n'est pas son heure. Donc il faut qu'il intentionne une chose et il différencie entre les œuvres. Il différencie entre les œuvres, celles qui sont obligatoires, rendues obligatoires, celles qui sont faites dans ces heures-là. C'est-à-dire lorsque je fais le takbir pour faire le qiyam al-layl, je n'ai pas l'intention à travers cela de faire salat al-isha. C'est ça le but de l'intention de discernement. Donc trois intentions. Intention d'exclusivité, de sincérité pour Allah. L'intention de soumission, je ne fais pas par suivi des parents. Et l'intention de discernement, je discerne entre les œuvres que je suis en train de faire. Et tout en sachant que l'intention elle est dans les cœurs, elle n'est pas sur les langues. Celui qui prononce, il dit, avant de faire le takbir, j'ai l'intention de faire la prière de nuit. Ça c'est une bid'a fi din. Le prophète alayhi salatu wa sallam, combien de prières elle a prié, rien n'a été rapporté sur cela. Et Cheikh al-Islam, rahimahullah, il a dit bittifaq, le fait d'élever la voix en évoquant ton intention, ceci fait partie des bid'a dans le din. Et il dit en plus c'est un cas de hufi, al-aql. Ça montre que cette personne-là, il a un déficient. Car yani, l'intention, elle se retrouve dans tous les œuvres, comme l'a dit le prophète, alayhi salatu wa sallam, innama al-a'malu binniyat. Elle est présente dans tous les œuvres. C'est-à-dire même les œuvres qui sont comme le fait de manger. Donc tu as une intention lorsque tu prépares, quand tu ramènes ton plat, tu commences à cuisiner, tu as l'intention de manger. Donc est-ce qu'on dit lorsqu'on veut prendre la fourchette, j'ai l'intention de prendre la fourchette? Est-ce qu'on dit avant de mettre la fourchette dans la bouche, j'ai l'intention de la mettre dans ma bouche? Est-ce qu'on dit, yani, on intentionne à voix haute le pourquoi, du comment, pourquoi on est en train de manger afin que je sois rassasié? Enfin ça c'est une déficience mentale. Et dit qu'à si jamais ceci est une déficience mentale et jugée telle quelle pour les choses qui sont relatives à nos activités mondaines, donc qu'à d'aller dans la religion, tu viens pas et tu dis j'ai l'intention de... J'ai l'intention de faire le fajr qui est constitué de deux rak'ah. Je l'ai fait uniquement pour Allah, en soumission pour Allah, azawajal. Il n'y a personne qui dit cela. Excepté une personne qui présente une déficience kadhalika qui est mentale. Allah azawajal sait ce que tu es en train de faire. Et kadhalika, tu sais toi-même ce que tu es en train de faire. Donc il n'y a pas d'utilité à faire cela. C'est une bid'a fid din. Il n'y a pas de divergence entre les ulama à ce sujet-là. Que l'intention est dans les cœurs. Et elle ne doit pas être prononcée à voix haute. Et ils ont divergé quant à l'intention qui est prononcée à voix basse. Et pareil, al-Sahih, comme il a dit Cheikh al-Islam, rahimahullah, ceci fait partie des innovations, car le prophète ne l'a pas fait. Ibn Qayyim, rahimahullah, ta'ala, il évoque qu'il n'y a pas de hadith qui soit authentique ou même da'if, qui soit faible, dans lequel il évoquait que le prophète prononcer l'intention à voix basse, à voix haute. Imanan, donc s'englobe tout cela. Parfois en Allah et Azza wa Jal, en toute exclusivité, par soumission en Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa ihtisaban, avec l'espérance d'acquérir les bienfaits et les rétributions de cet acte-là. Il le fait kadhalika avec désir et crainte. Kama qala subhanahu wa ta'ala, wa du'uhu khawfan wa tama'a. Et adorez-le avec crainte et espérance. قال غفر له ما تقدم من ذنبه. Il le sera pardonné ses péchés. غفر له ما تقدم من ذنبه, c'est-à-dire qu'Allah عز وجل va le mettre sous la protection de son châtiment et sous la protection de le dévoiler. C'est ça le al-maghfara, le pardon, c'est qu'Allah عز وجل te protège contre son châtiment, ou bien qu'il allège la sentence d'un châtiment, ou qu'il ne te dévoile pas. Ça c'est le pardon, comme l'a évoqué Cheikh l'Islam, rahimahullah. Et ce qui est voulu par les péchés, c'est les péchés qui sont mineurs, les petits péchés. Mais les grands péchés, les actes méritoires n'effacent pas les grands péchés. Allah Azza wa Jalla a dit in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffir ankum sayyi'atikum. Si vous délaissez les grands péchés, nous allons vous expier les petits péchés. Donc ça nous montre que le grand péché a besoin d'une tauba afin d'être effacé. Tandis que si jamais on trouve un petit péché, mais il n'a pas commis de grands péchés, les actes méritoires seront une expiation pour les petits péchés. Mais les actes méritoires ne peuvent être une expiation pour les grands péchés. Les grands péchés demandent à la personne qu'il fasse tauba, parce que c'est une chose qui est énorme. قَالَ فَتُوَفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمُ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ ثُمَّ تُوَفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمُ. Ensuite le prophète عليه الصلاة والسلام يمخ. قال والأمر على ذلك أن دي الشيخ الألباني رحمه الله والأمر على ذلك إلى فعل إغسطة الكل c'est-à-dire que على ترك الجماعة في التراويح c'est-à-dire qu'il priait individuellement. قال ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر رضي الله عنه et c'était son était de même pendant le calife de Abu Bakr رضي الله عنه c'est-à-dire qu'il priait individuellement pas en commun pas en جماعة. قال وصدر من خلافة عمر رضي الله عنه et كذلك dans une partie du calife de Omar ibn Khattab رضي الله عنه il priait de la sorte c'est-à-dire individuellement. نعم. Et le hadith il nous dit apporté par l'imam Muslim rahimahullah et la parole qui est évoquée à la fin fatwafa rasulullah ça c'est la parole de l'imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala. نعم. فها هنا il nous évoque que dans l'ère du prophète alayhi salatu wasalam la prière Qiyam Ramadan il était fait individuellement. C'est-à-dire né en grande partie. En grande partie il a été fait individuellement. Mais il est arrivé pendant certaines nuits que le prophète a rassemblé certains des mu'mines afin de prier en commun. Afin de prier en commun. On va évoquer le hadith concernant le tarikh, l'histoire de At-Tarawih. Comment est venue la prière en commun fi At-Tarawih. Le hadith il est dans le recueil de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala 2010 numéro 2010. قال عبد الرحمن ابن عبد القاري التابعي qui se nomme عبد الرحمن عبد القاري il a évoqué que قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد que il est sorti en compagnie de عمر بن الخطاب رضي الله عنه pendant une nuit de Ramadan et se sont rendus au masjid à la mosquée. قال فإذا الناس أوزاع متفرقون et lorsqu'ils sont arrivés à la mosquée, ils ont vu que les gens étaient éparpillés. قال يصلي الرجل لنفسه certains prient individuellement ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط et certains prient en groupe avec en petit groupe. فقال عمر et عمر a dit lorsqu'il a vu ces gens là قال إني أرى لو جمعت هؤلاء على قائر واحد لكان أمثل il dit je vois qu'il serait bien de réunir toutes ces personnes là derrière un seul imam et que cet imam là les préside. قال لكان أمثل ceci serait mieux. قال ثم عزم et ensuite il a eu l'intention ferme de faire cela. فجمعهم على أبي ابن كعب et il les a réunis sous la présidence de أبي ابن كعب c'est lui qui présidait la prière. قال ثم خرجت معه ليلة أخرى et une autre dans une autre nuit il est sorti en compagnie de Omar ibn Khattab رضي الله عنه قال والناس يصلون بصلاة قارئهم et les gens y priaient derrière un seul imam en commun. قال عمر رضي الله عنه dit lorsqu'il veut cela نعم البدعة هذه quelle merveilleuse idée. قال والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون mais cependant il les préférera pour eux qu'ils prient dans les derniers tiers de la nuit que directement après l'Isha. Yani. Donc yani, la première personne qui a réuni les musulmans pour une prière en commun derrière un seul imam de manière continue c'est Omar ibn Khattab radiallahu anhu car sous le calife de Abu Bakr ce n'était pas le cas, il priait de cette manière là, c'est à dire certains priaient individuellement, certains priaient avec un petit groupe. Kazalika pendant l'ère du prophète alayhi salatu wasalam. Il est venu, il va l'évoquer le hadith à Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala que dans les trois dernières nuits impaires des sept dernières nuits, le prophète alayhi salatu wasalam a prié avec ses compagnons. Et ensuite, il a délaissé. Comme on va le voir, de peur que ceci devienne une obligation. Il a eu peur qu'Allah azza wa jalla légifère cela de manière permanente. Car il craignait, comme il va l'évoquer Cheikh, rahimahullah ta'ala, à travers le hadith, il a craint que si jamais il continue à prier en commun, que la prière de Tarawih devienne une obligation. Devienne pour eux une obligation. C'est pour ça qu'il a préféré que chacun prie de son côté. Lakin Omar est venu et a réuni tous ces gens-là sous la présidence d'un seul et même imam. Et il a évoqué le terme « ni'mal bid'atu hadhihi ». Quelle bonne invention. qu'elle est bonne, il est celle-ci. Enfin, certains, ils ont mal interprété la parole d'Omar ibn Khattab, radiallahu anhu. Ils ont dit que dans le dîn, il y a des innovations qui sont bonnes et des innovations qui sont mauvaises. Or, le prophète, alayhi wa sallam, il dit Kulla bid'atin dalala. Toute invention est un égarement. Donc, comment on peut venir et dire que dans la religion, il y a des inventions qui sont bonnes, il y a des bid'ahs qui sont bonnes, il y a des bid'ahs qui sont mauvaises. Or, le prophète, il a dit toutes. Et kul, c'est un terme dans la langue arabe qui a le sens de la globalité, de la généralité. C'est-à-dire que tu ne peux pas venir et tu fais une exception. C'est impossible, excepté si jamais tu as une preuve. Donc, ce qui est voulu ici, ni'ma al-bid'atu hadhihi, c'est-à-dire la bid'a au sens linguistique, non au sens religieux. Parce que bada'a, c'est un mot arabe. Allah Azza wa Jalla dit wa ma kuntu bid'an min ar-rusul, en évoquant le prophète alayhi salatu wassalam, il y en a ceux qui l'ont rejeté. Je ne suis pas le premier messager qui est envoyé. Pourquoi me rejetez-vous? Je ne suis pas le premier à être envoyé. Bada'a, c'est une chose nouvelle. Wa ma kuntu bid'an, je ne suis pas un nouveau rasul. Lakin, il y a des gens qui m'ont précédé. C'est une chose qui est nouvelle. Dans la religion, on évoque des choses des fois au sens religieux et des fois au sens linguistique. Allah Azza wa Jal dit خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلح عليهم. Concernant la zakat, il dit Allah Azza wa Jal prend une part de leur argent à travers laquelle ce sera pour une purification et un rajout dans leur bien, une bénédiction. قال وصلح عليهم. وصلح عليهم معروف, c'est quoi la prière? Lakin, est-ce que ce qui est voulu ici, c'est que toutes les fois où le prophète, alayhi salatu wassalam, il a réuni l'argent des personnes, yani de la zakat, chaque fois qu'il a pris la zakat, est-ce que ça veut dire qu'il faisait deux rak'a? Il allait dans un coin de la mosquée, il faisait deux rak'a? Là. Huna, wa sallih alayhim, ay wadu'u lahum. Invoque pour eux. Donc là, le mot salat a été utilisé, pas dans le sens religieux, lakin dans le sens linguistique. Donc il n'y a pas de mal qu'un mot soit utilisé aussi dans son sens linguistique. Comme c'est le cas ici. Ni'mal bid'atu hadhi. Comme Omar, comme certains l'ont interprété, aurait dit qu'il y a des innovations qui sont bonnes dans la religion. C'est totalement faux. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, man 'amila 'amalan laysa celui qui met en application une chose sans au préalable notre accord, sans qu'on ait approuvé cela, qala fa huwa 'alayhi radd. Elle est rejetée. Donc ce qui est voulu, comme l'a dit l'imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala et autres, Ibn Rajab et autres, que le sens voulu par ni'mal bid'atu hadhihi, c'est une bonne idée, c'est une nouvelle chose. C'est-à-dire que maintenant il prie tout le temps. Il y en a derrière un imam. Malgré cela, tu as le droit de prier tout seul à la maison si jamais tu vois que tu ressens beaucoup plus de khushu'. Ça aussi, on va le voir. Qu'est-ce qui est préférable, de prier en commun ou de prier tout seul à la maison? On va le voir. Enfin, c'est pas une bid'a. Pourquoi? Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, le faisait, l'a fait avec ses compagnons. Pendant trois nuits. Ils ont prié ensemble. Lakin, il a délaissé cela par peur que ça devienne une chose qui est obligatoire. Et comme on peut le voir aussi dans l'athar, que certains priaient derrière, en commun, derrière un imam. وَيُسَلِّ الرَّجُلْ فَيُسَلِّ بِصَلَاتِهِ الرَّحْتِ. Arras, c'est-à-dire un groupe. Entre 3 et 10 et 3 et 9. Donc il y a des gens qui priaient aussi en commun. Donc la prière en commun pendant les nuits de Ramadan, c'était une chose qui était légiférée. Mais le prophète alayhi salatu wassalam a préféré ne pas continuer de peur que ça devienne une obligation sur cette umma-là. Et ensuite, ils n'ont pas la possibilité et la capacité de pouvoir être assidus à cet ordre. Donc ce n'est pas une invention. C'est une chose qui était présente à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, lakin pas de manière continue. Pourquoi? La raison, c'était au préalable. Et comme maintenant, après l'ère de Omar radiallahu anhu, la religion elle est parachevée, donc là il n'y a plus de crainte que salat al-tarawih, qiyam al-ramadan, ça devient une chose obligatoire. C'est pour ça qu'il a eu la bonne idée de réunir les gens derrière un seul et même imam. Enfin, c'est pas une bid'a au point de vue religieux. Qala rahimahullah, qala wal akhar hadith Amr ibn Murra al-Juhani. Et l'autre hadith évoquant les mérites de Qiyam al-Ramadan. Qala ja'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam rajulun min Qudaha. Une personne qui faisait partie de la ville qu'on appelle Qudaha, qui est un village qui se trouve dans les alentours de Bagdad. Faqala ya Rasulullah, au prophète, au messager d'Allah, Ara'aita, vois-tu, in shahidtu an la ilaha illallah, si j'atteste qu'il n'y a que nulle divinité ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa annaka rasulullah, et que tu es le messager d'Allah, wa sallaytu salawat al-khams, et que j'accomplis les cinq prières, wa sumtu shahr, et que je prie et que je jeûne le mois, c'est-à-dire le mois de Ramadan, wa qumtu Ramadan, et que je veille pendant les nuits de Ramadan, wa ataytu az-zakat, et que je donne la zakat, que je m'acquitte de la zakat. فقال النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, من مات على هذا, celui qui meurt en étant assidu à ces œuvres-là citées, كان من الصديقين, fera partie des véridiques, والشهداء, et des martyrs. Et le hadith, il est rapporté par Ibn Khuzaymah et authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah, et un hadith qui est tout à fait authentique. Donc la faveur qu'il y a à travers le fait d'être assidu pendant les prières nocturnes dans le mois de Ramadan, si jamais Allah Azzawajal fait que le jour où tu meurs sous ces actes-là, en ayant été assidu à ces actes-là, tu feras partie des siddiqin, des véridiques et des shuhada, des martyrs. Ça, c'est un grand mérite. Comme j'ai dit en préface, si jamais on sait que là, on est en train de s'approcher d'Allah Azzawajal par le titre de martyr, comment, si jamais on nous présente une activité mondaine, pouvons-nous délaisser Qiyam Ramadan et s'adonner à une chose qui est en dehors de cela, qui est en dessous de cela? Comme c'est le cas de certaines personnes, pendant les nuits de Ramadan, ils se réunissent pour jouer aux jeux vidéo, ils se réunissent pour regarder des films, ils se réunissent pour regarder des choses qui sont futiles et qui sont interdites pour certaines. Et ils laissent Qiyam Ramadan. Est-ce qu'à travers les jeux vidéo, est-ce qu'à travers le fait de se réunir, certains, dans des bars à chicha, astaghfirullah, pendant le Ramadan, et alors on est en train de l'appeler à devenir martyr. Tu ne vas pas vivre dans la vie d'ici-bas, ya akhi, ya orti. On va tous mourir. On va tous mourir. Et quand est-ce qu'on va mourir? On ne sait pas. Ça peut être demain, ça peut être tout de suite. Donc, fastabiqul khayrat, empressez-vous à courir aux œuvres qui vont vous donner la vraie vie, yawm al-qiyama. Martyr, titre de martyr. Certains, combien de personnes souhaiteraient mourir en ce titre-là, de martyr? Siddiq, c'est encore même beaucoup plus grand. Parce que qui est Siddiq dans la Ummah? Qui est appelé par cela, ce surnom-là? C'est Omar, c'est Abu Bakr. Abu Bakr, bittifaq, par unanimité des savants, c'est le meilleur des compagnons. C'est même le meilleur des compagnons des messagers. Les messagers ont eu des compagnons. Abu Bakr, c'est l'élu parmi les compagnons des messagers. Pourquoi? Parce qu'Allah il dit, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous êtes la meilleure des communautés. Meilleure que les Yahoud, meilleure que les Nasara, meilleure que toute autre communauté. Donc les compagnons de cette communauté-là sont les meilleurs compagnons des prophètes. Fait Abu Bakr, c'est le meilleur des compagnons. Il est appelé, surnommé Al-As-Siddiq. C'est-à-dire celui qui est sincère dans ses paroles et sincère dans ses actes. Parce qu'il y a des gens, ils sont sincères dans leurs paroles, mais pas sincères dans les actes. Ils mentent pas, mais ils ne font pas ce qu'ils disent. Nima taquluna ma la taf'alun, comme qu'a dit subhanahu wa ta'ala. Pourquoi dites-vous des choses que vous ne faites pas? Enfin, il est sincère, il ment pas dans ses paroles, lakin il ment à travers les membres, c'est-à-dire que à travers ses membres, c'est-à-dire il ne fait pas ce qu'il dit. Enfin, Abu Bakr, il a été qualifié comme étant siddiq, celui qui est sincère dans ses paroles et sincère dans ses actes. Lorsqu'il dit une chose, il le fait. Ses actes sont en conformité avec ses paroles. Fait, c'est ça, siddiq. C'est beaucoup plus haut. Allah Azza wa Jalla l'a évoqué directement après un nabiyyin. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ. Il a évoqué les prophètes, ensuite les véridiques, ensuite les martyrs, et ensuite les salihines, les gens pieux. As-siddiq, c'est un grand mérite. Ces œuvres-là nous appellent et nous aident à devenir sincères, à devenir véridiques dans nos paroles et dans nos membres. Donc, il faut qu'on accourt à cette grande ibada et qu'on soit assidu à cette grande ibada et à ces choses qui sont évoquées dans le hadith. Parmi cela, Qiyam Ramadan. Enfin, Inch'Allah, tabarak wa ta'ala, ça c'est en résumé. Et on va évoquer, Inch'Allah, dans le prochain cours, si Allah le veut, aussi les mérites de Qiyam al-Layl. Et on poursuivra, Inch'Allah, cette Risala-là. Même si jamais le mois de Ramadan se finit, on n'a pas fini cette épître-là, Qiyam Ramadan ou Qiyam al-Layl, c'est la même chose. Il faut prier aussi en dehors du mois de Ramadan. Donc cette épître-là, ce livre là va nous servir aussi inshallah pour l'après Ramadan. نعم نسال الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما سمعنا كالله عز وجل nous fasse profiter de ce qu'on a pu entendre وان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه et qui nous place parmi les gens qui mettent en application ce qu'ils entendent. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.